des trucs gratos, on aime ça! We'll be right back.

Vous êtes chanceux, ceux de la première heure n'ont pas eu d'indice. C'est un des premiers jeux qui est sorti sur la console Super Nintendo SNES. C'est le seul indice que je vous donne. Voici maintenant la pièce. Et voilà, c'est tout comme extrait, j'espère que vous avez deviné, je vous rappelle les coordonnées, GameBuzz, G-A-M-E-B-U-Z-Z, @CISM893.ca, le nom du jeu, je vous le répète, un des premiers jeux qui est sorti sur le SNES, long de l'émission, vers quelle heure vous avez entendu la pièce. Maintenant, pour suivre en musique, on va avoir du Buck 65, du MF Doom, du Spruce Lee, mais on débute dès maintenant avec du Suck My Pop. À tout de suite! What? Check this out, right? Yeah! What's up, motherfucking inside boy? What? The king, the crook? What? I got you with some new what? Shit! Yeah! Now just got low and platinum what? And shit! Don't mean we what? Don't change, nigga! What? We the motherfucking king, yeah! The crook? Yeah! And we gonna go and get this motherfucking crook! What? Now let's talk about some what? Niggas! Well, let's go! Stepping Michaels! Do a steal! You can do it all by yourself! Let me see you do it! Let me see you do it. Let me see you do it.